copier, mais pas coller. Copier mais pas coller, vous connaissez le principe, on prend une chanson ou une musique et on vous propose de découvrir une ou plusieurs de ses reprises. Aujourd'hui, Berimbo de Baden-Powell et Vinicius de Moraes. Copier mais pas coller. Le berimbau est un instrument de musique brésilien. Il serait apparu dans ce pays grâce aux marchands d'esclaves portugais. Cet instrument fait partie de la famille des cordes frappées et se présente sous la forme d'un arc tendu par une corde de métal dont le son est produit par une baguette frappant la corde de manière rythmique, le tout amplifié par une sorte de calebasse, un résonateur que le joueur place proche de son ventre. Le berimbau est connu pour être l'instrument principal de la capoeira ou du moringue, cousin de la capoeira dans l'océan Indien. La capoeira est un art martial afro-brésilien qui aurait ses racines dans les techniques de combat des peuples africains. En effet, interdit par les colons de pratiquer leur lutte traditionnelle africaine, les esclaves du Brésil les ont donc déguisés en leur donnant l'apparence d'une danse folklorique. On retrouve d'ailleurs cette stratégie de travestissement dans le Condomblé, toujours au Brésil, mais aussi dans la Santeria, à Cuba. Le berimbau n'est pas réservé à la capoeira, on le retrouve un petit peu partout dans la musique brésilienne et surtout dans le jazz. Et c'est en 1963 que le guitariste Baden-Powell va rendre célèbre le berimbau. Il s'inspire dans un premier temps de cet instrument pour inventer un morceau qui évoque, à travers la guitare, la sonorité si particulière du berimbau. Cette composition deviendra la même année une chanson. C'est en effet avec son père spirituel Vinicius de Moraes que Baden-Powell va écrire l'hymne au berimbau, à la capoeira, mais surtout à la camaraderie et à la fraternité. Baden-Powell aura été très marqué par sa découverte de la ville de Bahia, au nord du Brésil. Dans cette ville règne en maître la capoeira et le condomblé. Et quand Baden-Powell visite la ville, il prend conscience de l'importance de l'héritage africain et il décide alors d'intégrer cet héritage dans sa musique, ce qui donnera le style afro-samba. La chanson de Baden-Powell et de Vinicius de Moraes va faire le tour du monde, une très belle récompense pour ces deux génies qui sont pourtant socialement à l'opposé l'un de l'autre. Tous deux natifs de Rio, l'un, Baden-Powell, est un métis issu d'une famille très modeste résidant dans les quartiers nord de la ville. L'autre, Vinicius de Moraes, est un blanc issu de la classe bourgeoise de la ville. Cette différence sociale ne les empêchera pas de se vouer une véritable amitié, une grande complicité musicale. Baden-Powell allant jusqu'à dire que Vinicius de Moraes est très certainement le blanc le plus noir du Brésil. Berimbau, avec cette fois un véritable berimbau dès l'introduction de la chanson. Quem é homem de bem, não trai o amor que lhe quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai. Não vem quem de dentro de si, não sai, vai morrer sem amar. Ninguém, o dinheiro de quem, não dá, é o trabalho de quem. Não tem capoeira que é bom, não cai, e se um dia ele cai, cai bem. Capoeira me mandou dizer que

vient d'un pays où les hommes sont beaux. Donne-moi ta main, camarade, j'ai cinq doigts moi aussi, on peut se croire égaux. Serre-moi la main, camarade, je te dis au revoir, je te dis à bientôt, bientôt, bientôt, on pourra se parler, camarade. Berimbau a influencé une quantité d'autres artistes, particulièrement des jazzmen, et ce à toutes les périodes. Tel fut le cas en 2000, par exemple, avec les trois musiciens qui ont joué, avec Claude Nougaro, le pianiste Maurice Vander, le contrebassiste Pierre Michelot et le batteur Bernard Lubat. Ils ont réinterprété, eux aussi, à leur manière, Berimbau. Et c'est l'extrait de l'album Nougaro sans parole, très bon album d'ailleurs, trop méconnu, que je vous propose d'écouter tout de suite. Voilà, c'est l'interprétation de Berimbau de la part de trois musiciens qui ont joué avec Claude Nougaro, Maurice Vander, Pierre Michelot et le batteur Bernard Lubat. Les plus récentes reprises, nous les devons à deux femmes. En 2021, c'est la chanteuse brésilienne aux origines grecques, Nema Bock, aujourd'hui installée en Angleterre, qui reprend Berimbau dans une version très minimaliste. Mais c'est la version de Maya Adraji, chanteuse capverdienne, que nous avons choisi de vous faire découvrir. En effet, cette version date d'une dizaine d'années. Et c'est avec l'excellent trio Mokoto que cette chanteuse, connue en France pour son titre Mas Amor, s'attaque à Berimbau sur un air de musique du monde rythmé par quelques virgules d'électro-lounge assez élégante. C'est assez original pour que nous ayons voulu vous faire découvrir cette reprise. On l'écoute tout de suite. Berimbau par Maya Adraji et le trio Mokoto. É capoeira que mandam pra tudo cutelo. Pantiga, pan flow. Mas tá bem pra ver luta. É flapo job pra mim, é flapo job pra vô, pra abrir coração. Como quem que quer sair de dentro dele? Tá morre sem ama ninguém. Tá morre sem ama ninguém. Quem é homem de bem não trai o amor que lhe quer. Seu bem, quem diz muito que vai. Não vai assim como não vai. Não vem quem poeira que é bom não cai, mas se um dia ele cai, cai bem. Quem é homem de bem não trai o amor que lhe quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai, assim como não vai. La reprise de Berimbo par la chanteuse capverdienne Maya Adraji avec le trio Mokoto. Ce copier mais pas coller est terminé. Je vous laisse avec la suite des programmes de Radio de l'ERS.